Section 8 de la lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 7e. Section 8. Nos contemporains chez eux. Monsieur Émile Zola, chez lui, par Henri Séard. C'est un pays à la fois très parisien et très littéraire que ce village de Médan, où M. Émile Zola a fixé sa résidence, ni trop près, ni trop loin du monde, ainsi que le prescrivaient les hygiénistes cérébraux du XVIIIe siècle. Médan, à distance égale de Poissy et de Triel, est une ancienne seigneurie qui, du IXe siècle au siècle actuel, fut toujours possédée par les Parisiens. Au milieu de ses souvenirs d'art heureux et d'accueillante littérature, M. Émile Zola a posé sa maison, modeste d'abord, puis chaque année augmentée avec le succès, où s'écrit le meilleur de son œuvre, où se révèle un individu qu'en dépit de 10 ans de notoriété, Paris ne connaît pas. Car il y a plusieurs Zola, de même que ses portraits photographiques exécutés à différentes époques le représentent avec une physionomie d'une déconcertante variabilité. De même, il y a chez lui plusieurs types sociaux. On connaît le Zola bastionné, le Zola armé en guerre des polémiques et des journaux. On connaît le Zola défensif et réservé des premières représentations, des salons et des dîners publics. Mais ce que tout le monde ignore, c'est le Zola chez lui, le Zola retiré des batailles théoriques, le Zola libre des conventionnelles entraves de la société, le Zola laissant volontiers vagabonder sa parole, rire sa fantaisie et s'épancher son cœur. Il a pu dire de lui qu'il ne savait point être éloquent. On a pu imprimer qu'il manquait d'esprit. Demandez à tous ceux qui l'ont vu à Médan. Ceux-là vous apprendront combien les appréciations de Paris sur Zola deviennent fausses, loin des hypocrisies galantes, loin des tables de café, des bureaux de rédaction, au milieu du laisser-aller, des amitiés et de l'indépendance de la campagne. Le travail. Consultez les catalogues. Ils vous feront constater avec une persuasive et précise éloquence avec quelle continuité M. Zola le pratique. Encore, les catalogues sont-ils naturellement incomplets et malgré l'accumulation des volumes imprimés, ne donnent-ils qu'un renseignement bien approximatif sur la quantité d'écriture où se dépensa jadis M. Émile Zola? Collaboration au Progrès de Lyon, au Corsaire, à La Cloche, au Figaro, au Gaulois, à La Vie parisienne, à La Tribune, au Sémaphore de Marseille, à La Constitution, à L'Avenir national, au Rappel même, on peut évaluer à 50 ou 60 volumes la copie qu'il a dédaigné de recueillir. L'intempérance du reportage a tant de fois fait connaître de quelle façon le romancier travaille, avec quelle méthode, dans quel appartement, en quel costume et par combien de degrés centigrades, que l'originalité aujourd'hui consiste peut-être à dire comment M. Zola se repose. La tâche faite et le déjeuner terminé, le voilà, debout, surveillant les ouvriers de ses toujours recommençantes bâtisses, achevant une construction uniquement pour le plaisir de songer à en édifier une autre, promenant quotidiennement au milieu du tapage des scies et des marteaux, au milieu des retentissantes chansons des peintres sur leurs échelles, la silhouette d'un architecte campagnard. Les plans qu'il fait exécuter, il les a élaborés lui-même. C'est son plaisir particulier et sa débauche la plus exquise que ce remuement de moellons et cette adjonction continue de pavillons à l'étroite maison où se bornaient jadis ses premiers rêves de propriétaire. Le gros œuvre achevée, la décoration intérieure le préoccupe ensuite et c'est alors une grande recherche de tentures, de boiseries et de bibelots, dans le choix desquels se révèle son goût du majestueux, du confortable et du décoratif. Le romantisme dont il a avoué lui-même n'avoir jamais entièrement débarrassé ses goûts, ses conceptions et parfois son style, le romantisme combattu dans les lettres par un retour offensif dans tout l'ameublement, reparaît en vainqueur. Par le clair soleil traversant les vitraux héraldiques, les meubles Louis XVI et les Bouddhas indiens, les hommes d'armes Moyen-Âge et les kakemonos japonais, les cabinets vénitiens incrustés d'ivoire et les sièges aux chatoyantes soies modernes mêlent sous l'immensité des plafonds peints leurs formes, leurs couleurs, leurs étrangetés, comme dans le paradou de la faute de l'abbé Mouret. Les fleurs de tout pays, de toutes saisons, éclosent en même temps, confondent leurs nuances, leurs parfums et leur paradoxale structure. Les instruments mêmes concourent à la décoration. Voici un gong du Japon, un chapeau chinois de garde nationale, des mandolines, un piano, un orgue même. Ce silencieux à Paris, à Médan, est un inépuisable causeur. Laissez-le se réveiller sur son divan, abandonné dans le sommeil en faisant à point fermé sa sieste d'homme du midi, là étendu pendant des demi-journées entières, invitant ses interlocuteurs à s'étendre à leur tour, compensant la paresse du corps avec l'activité de l'esprit. Ce sont des conversations qui touchent à tout, et d'où, avec sa sagacité toute particulière, il tire toujours un profit, toujours un renseignement. Personne moins que lui ne parle pour parler. Il excelle à tirer de ceux qui l'entourent la notion des choses qu'il ignore, la confirmation de ses hypothèses, la quintessence des questions qu'ils ont longtemps étudiées et qu'ils connaissent par le détail. Étendre, la badauderie peut prendre l'affirmation pour un défi, l'exacte vérité pour un paradoxe. Oui, chez cet écrivain dont la phrase n'a jamais reculé devant la plus rude réalité, chez ce polémiste écrasant ses adversaires comme un bélier tombant sur un piquet, il a un cœur tendre. Vous l'avez éprouvé comme moi, mon cher Huysmans, en ce jour où, avant de la publier, il nous lut, à nous deux, son étude sur Gustave Flaubert. Il voulait voir quel effet elle produirait sur nous. Désolé qu'il eût été si, en même temps que la vérité stricte, quelque chose avait pu passer dans ces phrases qui fut capable de compromettre devant les lettrés la mémoire de son grand maître et ami. Nous approchons des fauteuils. Il prend dans le tiroir d'un meuble hollandais un manuscrit qui n'est pas de son écriture. « C'est ma mère qui a copié, » dit-il. « Elle adore écrire. » Seulement, quelquefois, elle met des mots les uns pour les autres. Ça ne va peut-être pas être très commode. Si encore la Russie m'avait envoyé ma copie. Enfin, nous allons toujours voir. La première partie est pleine du récit des funérailles. Il lit d'abord d'une façon lourde, lente, calme. Et puis, à mesure que les détails se précisent, la parole s'entrecoupe. À l'arrivée à Rouen, elle tremble. Elle annonce sur le chemin de Croisset. Voici le corbillard qui monte la rampe de Canteleu, et sur la phrase où il rend compte de cette poignante impression éprouvée par tous les gens venus de Paris, devant le cercueil de Flaubert, il éclate en sanglots et se laisse pleurer silencieusement. Puis, me tendant le manuscrit, « Tenez, pouvez-vous lire ?» Je continue, et pendant que je lis, il demeure la main sur ses yeux, dissimulant ses larmes. Tout a une douleur qui le secoue dans sa littérature, dans sa tendresse d'ami, dans sa personne de méridional répulsif à la mort et épouvanté du néant. Merci, mettez ça ici. C'est le domestique qui vient de monter, apportant de la tisane pour soigner la gravelle dont Zola s'est plaint le matin. La lecture continue. Flaubert y revit mot pour mot, page pour page, et à tout moment Zola répète « N'est-ce pas, c'est bien là l'homme ?» Puis il se lève, va chercher sa tasse et boit lentement, les yeux en larmes. Et pendant les 55 pages du manuscrit, c'est ainsi un continuel va-et-vient de ses souvenirs à sa tisane, une scène inoubliable où se mélangent dans une émotion et une bonhomie extraordinaire son souci de ne rien dire qui puisse blesser les susceptibilités les plus délicates à l'endroit de Flaubert et de sa mémoire, et la machinale occupation de diminuer le mal atroce que lui cause le mauvais état passager de sa santé. Fin de la section 8. Lue par Sandra, près de Montréal, 2024.